Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'attentat terroriste d'Oklahoma City. J'ai près de 40 ans et je n'ai jamais entendu un bruit pareil. Et tout a commencé à trembler. Et on pensait d'abord que c'était quelque chose comme un avion qui était tombé sur le toit de l'immeuble. L'informaticien Bernard Runemann n'en revient tout simplement pas de ce qu'il entend et de ce qu'il voit le matin du 19 avril 1995 au centre-ville d'Oklahoma City, à quelques centaines de mètres d'où il travaille. Il voit un épais nuage de fumée monter d'un édifice fédéral voisin au sien qui vient d'être détruit par une violente explosion. Le matin du 19 avril 1995, les États-Unis sont frappés par le pire et le plus meurtrier attentat à ne jamais s'être produit sur leur territoire à ce jour. C'est l'attentat d'Oklahoma City. Dans le cas de la ville d'Oklahoma, de Oklahoma City, les informations les plus crédibles laissent croire qu'il s'agit effectivement d'un attentat à la bombe. Je suis prudente, bien sûr, parce qu'il y a énormément de confusion jusqu'à maintenant. Il y a des démentis, des confirmations, tout ça se succède. Mais effectivement, tout laisse entendre qu'il s'agit d'un attentat à la bombe qui s'est produit peu après 9 heures dans un édifice fédéral en plein centre de la ville. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, vous voyez ici l'évacuation des blessés, c'est qu'il y avait une garderie dans l'édifice, donc il y a eu au moins 6 enfants de tués, au plus d'une centaine de blessés. Et ce sont des informations extrêmement, extrêmement préliminaires parce que, bien sûr, on n'a fait que compter les gens qui sont dans les hôpitaux et tous les gens ne sont pas encore dans les hôpitaux. La grande crainte, c'est le nombre de personnes coincées dans les décombres calcinés. Vous avez vu l'édifice comme moi. Oui, il ne reste pas grand-chose des fenêtres, de la structure de cet édifice. La journaliste Julie Miville-Dechêne à l'antenne de RDI le 19 avril 1995, pour nous rappeler cette horreur qui a secoué Oklahoma City le 19 avril 1995, pour nous rappeler également le contexte qui a mené à cet attentat d'Oklahoma City. J'accueille Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière de l'émission. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quelle place ça occupe cet attentat-là? Il faut tout de suite dire, rappeler aux auditeurs, c'est avant les fameux attentats terroristes, les fameuses attaques du 11 septembre 2001. Quelle place à ce moment-là ça occupe? À ce moment-là, puis rétrospectivement, au fond, quelle place occupe Oklahoma City dans l'histoire récente des États-Unis? C'est vraiment, vous l'avez dit, l'attentat terroriste le plus important à s'être produit jusqu'à ce moment-là, parce qu'ensuite, évidemment, les attentats du 11 septembre vont venir prendre tout l'espace, si on veut. Mais ça occupe une place importante, surtout que c'est du terrorisme intérieur. Ouais. Et ça, les Américains ont toujours un peu de difficulté à comprendre ça, comment justement une société d'abondance peut créer, si on veut, des gens qui vont commettre ce genre d'attentats-là, qui vont se retourner un peu contre leur pays, contre les valeurs de la population. Et donc, ça, c'est un attentat qui va beaucoup marquer, surtout quand on va connaître l'origine, quand on va connaître les motivations des gens qui sont responsables de cet attentat-là. Il faut dire que dans les années 90, il y a aussi plusieurs attentats à la bombe qui se produisent aux États-Unis. Pendant quelques années, il y a celui qu'on a surnommé le Unabomber, Ted Kaczynski, qui va perpétrer des attentats comme ça un peu partout sur le territoire pendant plusieurs années. Oui. En février 93, c'est le premier attentat contre le World Trade Center, aussi perpétré par Al-Qaïda. Donc, les Américains sont un peu inquiets de voir la prolifération de ces actes soudains, spectaculaires et tout à fait meurtriers. Il y a ce phénomène qui n'existait pas, qui existe tout à coup. Mais ce qui est encore une fois intéressant, c'est que même si le 11 septembre viendra plus tard, il reste qu'aujourd'hui encore, Oklahoma City, c'est sur le plan de l'attentat fabriqué aux États-Unis, le plus important attentat que ce pays-là ait connu. Ça reste encore aujourd'hui le c'est cas. C'est ce qui reste aujourd'hui, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, ce fameux 19 avril 95? Ce 19 avril 95, tout d'abord, n'est pas une date choisie au hasard par les responsables de l'attentat, parce que cette date marque le deuxième anniversaire de la fin du siège de Waco et aussi le 220e anniversaire des rébellions de Lexington et de Concord, qui étaient les points de départ de la Révolution américaine. Donc, ce 19 avril, un camion contenant plus de 2000 kilos d'explosifs sera utilisé contre un édifice fédéral, du gouvernement fédéral à Oklahoma City, qui va exploser, qui va effectivement effectivement occasionné des pertes très importantes. On parle de près de 170 morts, dont 19 enfants. Il faut dire qu'il y avait une garderie à l'intérieur de cet édifice-là. Alors, évidemment, les enfants ont été fortement touchés. On parle de plus de 600 blessés, 300 bâtiments autour qui seront détruits, partiellement endommagés. Et donc, une secousse gigantesque. Une secousse de 3,2 sur l'échelle de Richter qui s'est fait ressentir là, à presque 10 km à la ronde de l'explosion. Et 120 agents fédéraux qui seront dépêchés sur les lieux pendant toute la durée de l'enquête pour essayer de reconstruire le fil des événements, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bon, le cerveau derrière cet attentat de Oklahoma City, c'est Timothy McVeigh. Qui est-il? Timothy McVeigh, il a 27 ans, il est très jeune. C'est un vétéran décoré de la guerre du Golfe, mais c'est quelqu'un qui a quitté l'armée parce qu'il voulait faire partie des forces spéciales. On a refusé son entrée dans les forces spéciales. Ça prend vraiment là des caractéristiques particulières et M. McVeigh, visiblement, n'y arrivait pas. C'est un type qui a toujours eu des pensées assez radicales. C'est quelqu'un qui était d'abord un anticommuniste farouche, ce qui était plutôt à la mode dans les années 80 aux États-Unis, on peut l'imaginer. Oui. Et ensuite, il a joint un groupe de survivalistes, ces gens qui s'équipent, s'arment, s'entraînent pour résister à des événements ou pour faire face à des événements extrêmes, comme des attentats, par exemple, comme des accidents nucléaires, ce genre de choses. Et c'est un groupe de survivalistes d'extrême droite, le Patriot Movement, au Michigan. Et il a commencé à lire de la propagande qui était liée à l'extrême droite, dont certains ouvrages célèbres que plusieurs groupes racistes et suprémacistes blancs lisent. Et c'est ça qui a alimenté sa haine contre le gouvernement fédéral, parce que selon lui, le gouvernement fédéral, les forces de l'ordre, l'impôt, tout ce qui relève du gouvernement fédéral est illégitime. Donc, à partir de ce moment-là, il dit, ben, ces gens-là s'attaquent à nos droits et libertés. Quand on regarde la Constitution américaine, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, le gouvernement fédéral usurpe ses droits, ses privilèges, va au-delà de ce qui était demandé par les pères fondateurs et donc va commencer à se rebeller contre ce gouvernement et souhaitait en fait participer à une nouvelle révolution américaine. C'est un peu ça l'idée d'effacer, de recommencer à zéro sur les vraies bases de la Constitution américaine. Et qu'est-ce qui le pousse finalement à décider d'organiser cet attentat d'Oklahoma City? Trois événements bien précis vont consolider son plan d'attaquer le gouvernement fédéral, vont lui donner, en fait, cette intime conviction qu'il doit faire quelque chose. Tout d'abord, le siège de Ruby Ridge, qui se trouve en Idaho, au mois d'août 1992. Le FBI va établir un siège d'une dizaine de jours dans cette communauté suite au refus du leader de cette communauté-là de se présenter en cour pour possession d'armes illégales. Et le siège, finalement, va faire trois morts parce que le FBI va donner l'assaut éventuellement. Et ça va profondément déranger Timothy McVeigh, justement, et ça va le conforter dans cette idée que les pouvoirs fédéraux, en fait, abusent de toutes sortes de manières de la population. Deuxième événement, c'est la campagne de Bill Clinton qui souhaitait, en 1992, et c'était une de ses promesses de campagne, d'essayer de renforcer le contrôle sur les armes à feu, parce que ça aussi, pour Timothy McVeigh, pour beaucoup de gens d'extrême droite américaine, le contrôle des armes, c'est l'ennemi absolu. Et finalement, c'est ce fameux siège de Waco dont on a parlé, qui s'est déroulé en 1993, parce que à cette époque-là, Timothy McVeigh croyait, comme beaucoup de gens, que c'est le FBI, en fait, qui avait allumé l'incendie, qui va mettre un terme au siège et faire beaucoup de victimes. Et d'ailleurs, Timothy McVeigh va se rendre sur place pendant le siège pour distribuer quelques tracts de propagande d'extrême droite à ce moment-là, anti-gouvernement fédéral. Il n'est pas seul, McVeigh, dans la planification de cet attentat d'Oklahoma City. Il a deux complices tout au cours de la préparation. Qui sont ces deux complices, Karine Prémont? Tout d'abord, Terry Nichols, qui a 40 ans au moment des faits. C'est une personne que McVeigh a rencontrée à Fort Benning, qui est une caserne de soldats. C'est un soldat également, un ancien soldat, M. Nichols. Et Nichols a participé au vol du matériel nécessaire pour la fabrication des bombes. Va également repérer les lieux avec Timothy McVeigh. Donc, va vraiment, là, être très actif dans cette préparation, dans l'élaboration de cet attentat, même s'il ne sera pas présent au moment de l'explosion de la bombe. Et un troisième homme, un peu moins important en termes d'implication, c'est Michael Fortier, qui sera aussi accusé finalement dans cette affaire-là. C'est aussi un soldat que McVeigh va rencontrer à Fort Benning. Et c'est quelqu'un, lui, qui va s'occuper de vendre les objets volés par McVeigh et Nichols pour amasser des sous pour acheter les composantes nécessaires à la construction de la bombe. Petite parenthèse, mais qui est intéressante. Au départ, McVeigh ne prévoit pas faire exploser un édifice fédéral à Oklahoma City. Il a autre chose en tête. Quel est son premier plan? Son premier plan, c'est d'assassiner la procureure générale Janet Reno, justement en représailles de ce qui s'est passé à Waco. Donc, il accuse Janet Reno d'être responsable de la mort des Davidiens suite à cet assaut du FBI. Il y avait d'autres personnes aussi sur la liste de McVeigh qui étaient en lien avec cette affaire-là. Et finalement, ben McVeigh réalise que c'est un truc un peu complexe d'assassiner des politiciens aux États-Unis. Donc, il va décider plus tôt de s'en prendre à des édifices du gouvernement fédéral et donc va sélectionner assez soigneusement ses cibles. Il a des critères bien particuliers en tête. Notamment, l'édifice doit comporter au moins 2 ou 3 agences fédérales pour que le coût soit marqué de façon claire. Il ne doit pas y avoir de commerce d'organismes non gouvernementaux parce qu'on veut vraiment que la cible, encore une fois, soit bien précise, soit bien spécifique. On veut qu'il y ait des civils parce que McVeigh veut absolument toucher des civils pour l'ampleur que ça va prendre par la suite pour créer cet impact fort dont il souhaite obtenir. Que ce soit un coup d'éclat, exactement. Et il va également choisir des lieux qui sont propices à prendre des photos spectaculaires où on va avoir une vue dégagée parce qu'il veut s'en servir pour la propagande. Il sait très bien qu'il va pouvoir attirer des gens qui partagent ses idées avec ce genre d'image-là, évidemment. Un attentat comme celui-là, évidemment, Karine Prémont, ça se prépare pas du jour au lendemain. Comment va s'organiser la préparation de l'attentat d'Oklahoma City? Très rapidement, on va d'abord choisir l'édifice Alfred Murrah, qui est le siège d'agence fédérale à Oklahoma City. Donc, on va d'abord choisir cet édifice-là suite aux critères qu'on vient d'élaborer. Et pendant l'été et l'automne 1994, McVeigh et Nichols vont mettre leur plan à exécution. D'abord, on va acheter ou voler le matériel nécessaire à la fabrication de cette bombe-là, notamment des détonateurs, du fertilisant, les composantes électriques et électroniques aussi. On va aussi voler beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, beaucoup de bijoux, de pièces de monnaie qu'on va revendre. Ensuite, c'est Fortier, justement, qui revendra ces objets-là pour financer l'achat de la bombe, pour financer la location du camion et toutes les dépenses encourues. Fortier va finir par refuser de participer à l'attentat lui-même. Il va dire vendre des objets volés, c'est une chose, mais participer à un attentat, moi, je suis pas sûre que ça m'intéresse. Et donc, McVeigh et Nichols vont ensuite faire plusieurs essais pour tester les capacités de cette bombe-là. Ils vont faire ces essais-là chez Nichols, qui habite une région plutôt éloignée dans le coin d'Oklahoma City. Alors, c'est ça qui va permettre de s'assurer que la bombe qu'on a est bien celle qui sera utilisée. Et cette bombe, donc, et ce camion avec cette charge très, très importante va exploser le 19 avril 1995 à Oklahoma City. C'est évidemment la consternation au moment de cet attentat-là. On écoute le président Bill Clinton le jour même de l'attentat d'Oklahoma City, le 19 avril 1995. The bombing in Oklahoma City was an attack on innocent children. L'explosion d'Oklahoma City est une attaque envers des enfants innocents et des citoyens sans défense. C'est un acte lâche et méchant. Les États-Unis ne le toléreront pas et je ne laisserai pas les gens de ce pays être intimidés par des lâches sans scrupules. Qu'il n'y ait pas de doute, nous trouverons les gens qui ont fait cela. Lorsque nous le ferons, la justice sera rapide, ferme et sévère. Ces gens sont des tueurs et ils doivent être traités comme des tueurs. On entend bien dans cet extrait toute l'indignation du président Clinton, Karine Prémont, à la suite de cet attentat d'Oklahoma City. Comment la population réagit quand la nouvelle sort? La population est évidemment consternée, on peut l'imaginer, parce que non seulement, vous l'avez dit en début d'émission, c'est un des fils des États-Unis qui se retourne contre sa patrie, contre son peuple, contre ses citoyens, ses compatriotes, mais c'est la présence d'enfants qui va beaucoup bouleverser les Américains, on peut l'imaginer, et le fait que la présence d'enfants, elle fait partie de ces critères de sélection, d'une certaine façon, parce qu'on savait bien chez McVeigh et Nichols que le potentiel dramatique est encore plus important et qu'on attirait davantage l'attention. Alors, les Américains sont complètement catastrophés, craignent effectivement que d'autres attentats de cette nature soient en préparation un peu partout, d'où le ton très ferme de Bill Clinton qui dit « Ne vous inquiétez pas, nous partirons à la chasse de ces tueurs et s'en sortiront pas. » Il y a un petit flottement au tout début, avant qu'on réalise que c'est un fils de la nation, entre guillemets, qui est responsable de l'attentat. Il y a des rumeurs, il y a des soupçons, un petit peu d'islamophobie là, qui se fait entendre, mais au départ seulement. Oui, au départ seulement parce que les médias vont tout de suite identifier ou en tout cas pointer le doigt vers des terroristes du Moyen-Orient parce que justement le World Trade Center en 1993, quelques actes haineux évidemment qui vont s'en suivre, mais très rapidement, la piste mène à McVeigh directement. Alors ces pistes du Moyen-Orient seront vite abandonnées. Alors parlons de la façon dont s'enclenche justement cette enquête qui mènera assez rapidement à McVeigh et à ses complices. Comment ça commence? Mais d'abord, il faut savoir que sur le terrain, là, c'est assez difficile parce que une explosion, il faut retracer le fil des événements, il faut fouiller les décombres, il faut essayer de savoir s'il y a d'autres personnes, combien de personnes sont impliquées, d'où ça vient. Mais assez rapidement, les preuves vont mener à Timothée McVeigh, essentiellement en raison de l'identification du camion qui a servi à l'attentat parce qu'il a été enregistré par McVeigh. Alors, déjà, on va avoir un suspect. Le portrait robot va aussi être assez précis quant au responsable de cet attentat. Et aussi, les propriétaires de l'hôtel où McVeigh a séjourné la veille de l'attentat l'ont formellement identifié. Timothée McVeigh, donc, est arrêté très rapidement dans de drôles de circonstances, cela dit. On écoute un reportage de Claude Gervais décrire justement les circonstances de son arrestation au Montréal ce soir, le 21 avril 1995. La procureure générale Janet Reno était manifestement contente de confirmer une première arrestation. La police fédérale américaine a mis la main au collet de Timothée McVeigh mercredi matin, par hasard, pour excès de vitesse, une heure après l'explosion. Depuis, il était en prison et la police n'a fait le lien qu'avec la publication des portraits robots. McVeigh, les cheveux coupés en brosse, a été arrêté à Perry, 100 km au nord d'Oklahoma City. Puis, une descente musclée s'est déroulée aujourd'hui dans une ferme de Decker au Michigan. La police est à la recherche de deux hommes. Avec celui qui est sous les verrous, la police dit avoir affaire à des membres de la milice du Michigan, un groupe d'extrême droite fortement armé. Un groupe comme il y en aurait de plus en plus aux États-Unis et qui trouve que le gouvernement fédéral s'immisce trop dans leur vie. Les enquêteurs ont reçu près de 2000 appels de citoyens au numéro de téléphone spécial réservé à cette fin. Madame Reno veut que le public continue de collaborer parce qu'il reste des suspects en liberté. Donc, Timothée McVeigh, on vient de l'entendre, il est arrêté rapidement dans les circonstances décrites dans le reportage de Claude Gervais. Il reste, et Madame Reno est inquiète de ça, on l'entend aussi dans cet extrait de reportage, il reste qu'il y a encore des complices qui courent. Ils seront aussi assez rapidement arrêtés. Comment ça va se faire? Dans le cas de Terry Nichols, il se rendra à la police deux jours après l'attentat. Il faut dire que la police avait déjà l'adresse de son frère. C'est l'adresse que Timothée McVeigh avait donnée lors de son arrestation et à l'hôtel. Alors, il savait qu'il était pourchassé. Il s'est rendu. Michael Fortier va aussi être arrêté quelques jours après. Donc, très rapidement, là, l'étau se resserre. Ce que Mme Reno dit, elle parle du John Doe numéro 2, c'est que pendant très longtemps, pendant 32 mois, en fait, on va penser qu'il y a encore des acteurs importants dans cette enquête-là, et on va être à la recherche d'autres potentiels responsables. Parce qu'effectivement, rétrospectivement, on peut se demander pourquoi une si longue enquête, autant d'interrogatoires. C'est fou les chiffres que vous pourriez nous donner, mais on les a tout de suite, les trois, mais on ne le sait pas. On ne sait pas, parce qu'on se dit un attentat de cette nature-là, c'est à peu près impossible que ce soit conçu par aussi peu de personnes. Ouais. Alors, on va mettre des millions d'heures dans cette enquête-là, qui dure 32 mois, on l'a dit, 28 000 interrogatoires, 1 milliard de documents électroniques qu'on va compiler pour essayer de trouver des empreintes, etc. Parce qu'on ne peut pas croire, effectivement, que si peu de personnes soient responsables. Mais d'ailleurs, Timothée McVeigh va dire, quand on lui pose la question, qui sont vos complices, il va dire, en vérité, est-ce que c'est pas effrayant de savoir qu'un seul homme puisse causer autant de dégâts. Et c'est là, finalement, qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'autres personnes impliquées. Ouais. Ils seront jugés, évidemment. Comment va se dérouler les procès de tout ce beau monde, Timothée McVeigh et ses deux complices? McVeigh et Nichols seront inculpés au mois d'août 1995. Ils seront accusés de 11 crimes qui sont liés à cet attentat-là, évidemment. Tout d'abord, c'est le procès de Timothée McVeigh qui va se tenir au Colorado, qui va se terminer en juin 1997. Et après une vingtaine d'heures de délibération, le jury va le déclarer coupable. Il sera condamné à mort et exécuté le 11 juin 2001 en Indiana. Quant à Terry Nichols, son procès va se terminer en décembre 1997. Il sera coupable de plusieurs chefs d'accusation, mais va éviter la condamnation à mort. Il recevra toutefois 161 sentences de prison à vie consécutive. On imagine bien qui ne sortira jamais. Et Michael Fortier, lui, va accepter de témoigner contre McVeigh en échange d'une peine réduite. Il a écopé 12 ans de pénitencier. Il a été libéré, d'ailleurs, en 2007. Le président George W. Bush va réagir à la suite de l'exécution de Timothy McVeigh le 11 juin 2001. On écoute. This morning, the United States of America carried out the severest sentence for the gravest of crimes. Ce matin, les États-Unis d'Amérique ont eu recours à la peine la plus sévère pour le plus grave des crimes. Les victimes de l'attentat à Oklahoma City n'ont pas été vengées, mais ont eu droit à la justice. Et un jeune homme a rencontré le sort qu'il a choisi pour lui-même il y a 6 ans. And one young man met the fate he chose for himself 6 years ago. For the survivors of the crime and for the families of the dead, the pain goes on. Pour les survivants et les familles des victimes, la douleur continue. Le châtiment ultime envers le coupable ne peut apporter la paix aux innocents. Il ne peut remplacer la perte ou rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, toute personne qui a été blessée par le mal fait à Oklahoma City peut se reposer en sachant qu'il y a eu un jugement. En tout point, du matin du 19 avril 1995 jusqu'à ce jour, nous avons vu le bien surmonter le mal. At every point from the morning of April 19, 1995 to this hour, we have seen the good that overcomes evil. Quelles leçons il faut tirer à Karine Prémont et quelles leçons seront tirées aux États-Unis à la suite de cet attentat d'Oklahoma City? Mais d'abord, que le terrorisme intérieur est une réelle menace pour les Américains. Les forces de l'ordre fédérales vont investir beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour essayer d'infiltrer les groupes extrémistes qui sont souvent à l'origine de ces actes anti-gouvernement fédéral. Par ailleurs, le FBI va engager lui-même 500 agents supplémentaires pour enquêter sur la question de ce terrorisme intérieur. Et le Congrès va aussi voter une loi en 1996 pour assurer une meilleure protection des édifices fédéraux, mais aussi et surtout pour améliorer l'aide des victimes. C'était difficile auparavant de faire reconnaître nos droits comme victime d'un attentat terroriste en raison de la définition bien limitée que la loi accordait à ce type d'action-là. On va aussi augmenter les peines pour les responsables de ce type d'attentat. Il y a une première grande secousse, l'innocence de ce pays qui est brisée. C'est un fils du pays, encore une fois, qui cette fois-là passe à l'action à Oklahoma City. Puis évidemment, quelques années plus tard, en septembre 2001, là, ce sera l'autre grand coup où l'innocence sera frappée, mais de plein fouet. Exactement. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.